Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2, l'émission faite par la PF d'Orléans pour la Noche Flamenca. Et ça continue pour de nouvelles chansons. Et c'est reparti! Olé! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, que ya no soy como yo era. Yo sé que ya no soy como yo era. Y pasará el ya no soy como yo era. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Flamenca. Pour la Noche Flamenca. Vous annonce une nouvelle. Radio Arc-en-Ciel, il y a une personne portugaise qui est décédée. Elle s'appelle Madame Maria Pereira. Ça se passera exactement à la source, à Olivet. La cérémonie aura lieu vendredi le 6 septembre 2019 à l'église. Voilà, à la source. Voilà, si les personnes désirent aller à l'enterrement de Madame Maria Rosa Pereira, elle est décédée. Voilà, et autrement, ça se passe à Olivet. La cérémonie aura lieu vendredi le 6 septembre à, 19, à l'église de la Source à partir de 10h. Voilà. Et après, repartiront au Portugal se reposer. Et voilà. Arc-en-Ciel vous dit des bonnes choses, mais peut-être de mauvaises aussi. Pour les personnes qui écoutent l'émission, il verra que Madame Pereira est décédée, Maria. Autrement, la cérémonie religieuse se trouvera vendredi le 6 septembre à l'église d'Olivet, à la source. Voilà. Allez, bonne soirée et autrement, restez calés sur Radio Arc-en-Ciel. L'émission est faite par Jackie et ça recontinue pour de nouvelles chansons. Yo quería que nunca existieron, corazón mío, triste velero, que se pierde entre los falsos sueños. recuerdo y lloro. Los ojos de mi gitana que son de oro, esperanza y oro, el brillo de su presencia que hay quien quisiera tener. De la caricia de ella y el primao, yo me acuerdo y lloro, yo me acuerdo y lloro. La mente y el corazón y la mente, la gloria y la perdición, son cada cual y vive en mi frente. La gloria y la perdición, son cada cual. Para decirme que estaba soñando yo. La primavera ya llegó. bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2, l'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la note chez Fernanca. Bon, on vous annonce que dimanche, il y a une grande fête place du Martroi. Dans toute la ville d'Orléans, il y a une grande fête, rentrée en fête. Dimanche, le 8 septembre. Ça se passe à partir d'11h jusqu'à 19h le soir. Venez nombreux. Le stand APF d'Orléans animera un des spectacles avec la Cebellana. Autrement, il y aura la sangria sur le stand et des tampas. Voilà, des beaucoup de petits amuse-gueules à manger. Des tampas, il n'y a pas de problème, et de la sangria. Voilà. Autrement, si vous désirez venir à la radio, vous venez 108 Route de Bourgogne, au troisième étage, l'émission, et troisième étage, et c'est l'émission faite par la PF d'Orléans. Pilar Calina para la gente perdida, quiero yo. Sus ojos Santiago, que me vio nacer. No tengo secreto, porque mi niñez de flamenco me acariciaba, yo la acaricié. Soy de la Merced, ya era el Edebo. Thank you. marinera que alegra la vida al puerto. ¿Dónde estará tu amante? Que no lo veo. Sea quien sea tu amante, fuera quien fuere, soñando estaría contigo donde tú vieres, soñando estaría contigo donde se encuentre. Lunita de la Victoria, ay, era mi cinco sentidos. Ay, lunita de la Victoria, ay, nunca rubía de su cara. Ay, a su amparo, o no he vivido. No sé qué sentiría con tu mirada, ni lo que pensaría. Barrio Santiago, que me vio nacer. No tengo secreto, porque mi niñez de flamenco me acariciaba, yo la acaricié. Soy de la Merced, Barrio Santiago, que me vio nacer. No tengo secreto, porque mi niñez de flamenco me acariciaba, yo la acaricié. Me acariciaba, yo la acaricié. Que ya y que ya y que ya y que ya y barrio la viña, yo muero y caíte. Que ya y que ya y que ya y ya y que ya y la marinera que quiera me espera en caí. Ya y que ya y que ya y ya y que ya y la marinera que quiero me espera en caí. Que caí, que caí, que caí, barrio la viña, yo muero en caí. Que caí, que caí, que caí, que caí, la marinera que quiero. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM, par l'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Flamenca. Et ça continue pour de nouvelles chansons. Autrement, si vous voulez faire la fête dimanche, dans la ville d'Orléans, il y a la rentrée en fête le 8 septembre, c'est le dimanche, à partir de 11h jusqu'à 19h du soir. Venez nombreux sur le stand de l'APF d'Orléans. On sera place du Marcroix. Venez, on boira un petit coup de sangria et des tampas. Si vous désirez apprendre la sevillana, vous venez vous faire inscrire au stand de l'APF d'Orléans. Autrement, puis si vous voulez apprendre des cours espagnols, vous venez en même temps pour apprendre des cours espagnols. Voilà. Autrement, c'est tous les sabbados à partir de 14h jusqu'à 17h au 108 rue de Bourgogne, au troisième étage. Là, vous apprendrez à danser la sevillana et les cours se donnent à partir du 13 septembre, je crois. Ça va être à partir du 13 septembre les cours. Autrement, vous allez sur le stand de l'APF et vous verrez à peu près avec les personnes qui désirent parler pour vous faire inscrire. Voilà. Voilà, pour danser ou pour apprendre l'espagnol. Voilà. Bon, bah, je vous le. Autrement, l'émission se continue. Et restez calés sur Radio Arc-en-Ciel. Sabai, Santa Marina, día de frío, mi garganta, un capote está abrigando la cuerda de mi guitarra, un capote está abrigando la cuerda de como le canta la perla y la hace besorar. señora, que el brillo de su presencia que hay quien quisiera tener. De la caricia de ella y el prima, yo me acuerdo y lloro, yo me acuerdo y lloro. La mente y el corazón y la mente, la gloria y la perdición son cada cual y viven diferente. La gloria y la perdición son cada cual. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la note chez Flamenca. Et ça recontinue. Autrement, si vous voulez faire la fête dimanche, domingo, vous allez place du Mar 3 dans toute la ville d'Orléans. Et c'est la grande fête, la fête de la rentrée en fête, dimanche le 8 septembre. Vous avez beaucoup de stands. Nous, à un stand de l'APF qui se trouve du côté de la statue de Jeanne d'Arc, dans les environs. Autrement, nous avons un stand. Vous dégusterez de la sangria et des tampas. Autrement, si vous intéresse, vous faites inscrire pour danser la sevillana ou apprendre des cours espagnols, vous venez. Autrement, tous les sabados, De 14h jusqu'à 17h au 108 Route Bourgogne, nous avons une association au troisième étage. Autrement, vous venez pour l'APF d'Orléans sur le stand. Vous faites inscrire pour danser la Sylviana et apprendre à parler espagnol. Bon, ben, autrement, à domingo, il n'y a pas de problème. Autrement, je continue encore l'émission. Il est 19h54 et ça continue pour de nouvelles chansons. Oh. Oh bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 82, l'émission de Par la PF d'Orléans, est fait par Jackie pour la note chef Lamancaire. La ville d'Orléans organise une grande fête à Orléans, la rentrée en fête. Voilà, autrement, nous serons en place du Mar 3, la PF, un stand, on aura un stand place du Mar 3. Vous venez boire la sangria et les tampas, et si vous intéresse, pour apprendre à danser, vous faites inscrire sur à l'endroit place du Mar 3 et vous inscrivez si ça vous intéresse pour danser la sevillana ou apprendre à des cours espagnols. Voilà, autrement, c'est tous les samedis de 14h jusqu'à 17h au 108 rue de Bourgogne, au 3e étage. L'émission est faite par l'APF d'Orléans. Bon, bah, je vous dis buenas noches et à domingo et à dimanche. Bon domingo et à dimanche. Allez, buenas noches. Adios. Buenas noches.